showcase et je défoche. Chope 4 raquettes, polo la tote. Je fais pas la star, elle monte la cote. Ne m'appelez pas, je suis sur la côte. Joue un petit bateau, j'ai pas de yacht. J'suis pas chauffé, j'suis comme un autre. Sans au resto, j'ai payé ma note. Plus une personne pour faire mes sous, pour faire mes flows, pour faire mes sons. Une chose est sûre, j'ai pas de réseau. J'suis un peu triste, une cache à la maison. Je passe une pour les commerces. Et les trafics quand t'es au bar. La mise que tu cours au bar. Elle veut son coup et tu la jettes quelque part. Je fais ce que je veux. Vas-y arrête ton baratin de plein fake. J'suis posé un verre de 15 space cake. On vient pour mettre le feu à peine 1-8. Pourtant j'arrive avec une équipe de Tex-Mate. J'baisse la vite, y'a de la fumée dans le cockpit. J'connais des mecs, c'est des hate, ils ont des coups de pit. Que ça kick sur le beat. Fais pas le show, tu repars en moule beat. Y'a pas de 10, c'est que des gros 50. Viens dans la street, t'as que des scènes choquantes. Fais pas de boulettes dans le 5-50. Ou j'te reprends un coup de pioche clinquante. Course poursuite, adrénaline. Mélange vodka dans cristalline. Un jour tu loses, un jour tu win. Dans le game depuis un petit Tawin. Je fais ce que je veux. Arrière, DPR, ça arrière, on va faire bouger ton terre-terre. On va tout niquer sur ma mère, je suis dans le bolide. Il me regarde les gens, mec, sur les gens, t'as peu de jeunes. Je fume depuis jeune, j'écris quand c'est jeune. Quand on t'a vu la palette, faut direct abaisser ton calbar. Dans une enfée, ça mélange, je le dis avec une malbar. Les sous sont rouges, tout le gros pétard, ça tire des grosses barres. Celui qui en fait le mot souvent, qui veut bouffer la grosse barre. L'usine comme un chinois, j'aime quand elle fait son chinois. Je fume mon compète chez moi, je regarde ses fêtes, je vois le chemin. Je suis dans un film, je rêve que je les fume quand je vois ce qu'ils filment, hein. Quand je vois ce qu'il filme. Y'a pas de pardon pour ces deux salopes si t'as brisé l'omerta. On aime les fondements mentales, t'as si ouais comme la guerta. Que tu parles de meuf, on t'a croisé avec ta horda. Y'a pas de moyen à la maison, je détecte plus le corda. Toujours dans ma paranoïa. J'ai coup du Chantal Goya. Posé avec Bella. Les pères, ça fume la herdella. Je trahis pas mes joyas. Je chante pas sous polia. Posé sous Sequoia. Loin de ces mangeurs de poya. Je fais ce que je veux.